paumés, nous ne sommes pas aimés. Des bons bourgeois qui nagent dans la joie, il faut avoir pour être à leur goût un beau au col et un chapeau mou. Ça ne fait pas riche une casquette, ça donne le genre malhonnête. Et c'est pourquoi quand un bourgeois nous voit, il dit en nous montrant du doigt. C'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât, il faut qu'il s'explique. Ça joue du poing, de la tête et du chausson, un mauvais garçon. Toutes les belles dames, pleines de perles et de diamants, en nous croisant, ont des airs méprisants. Oui, mais demain, peut-être ce soir, dans nos musées, elles viendront nous voir. Elles viendront comme des filles, en s'enroulant dans nos filles. Et nous lirons dans leurs yeux chavirés l'aveu qu'elles n'osent murmurer. C'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât, il faut qu'il s'explique. Mais y a pas mieux pour donner le grand frisson qu'un mauvais garçon. Qui fait du dégât, qui faut qu'il s'explique. Mais y'a pas mieux pour donner le grand frisson qu'un mauvais garçon.